Oh, désolé, il y avait mon micro. J'ai toussé en plein dedans. Là, il n'y a personne. J'espère qu'on ne gêne personne. Il est gentil, le type, d'avoir laissé son serveur. Mais il est en France, je crois. C'est bizarre. La gamme elle change en plein milieu. Là ma bouffe elle chauffe. Genre Ré mineur. Et je me fais à bouffer. J'ai faim. Tu sais, ça m'a foutu les boules, hein, de me faire virer. Et alors le type qui m'a insulté après, quoi, c'était ça le plus terrible. Menaces de police. C'était tout juste s'il n'y avait pas des menaces de mort, quoi, tu vois. Vraiment, ça fout, tu sais, ça fout vraiment mal, quoi. Encore des menaces de mort, je me suis dit, le mec, il est complètement fou. Mais là, c'était dingue. Il n'arrêtait pas. Oui, la police. C'était dingue, ce truc-là. De toute façon, ils auront jamais autant de monde que quand j'y allais, hein, je pense pas. Ouais, sauf s'ils s'engueulent, quoi. Non, s'ils s'engueulent, le room il va se remplir en 30 secondes. Hein, ça. Mais ça va pas tenir leur truc. Moi, je vais plus y aller. Du coup, il y a Maximus, il viendra plus. L'étranger, là, il vient parce que je mets de la musique qui est bonne, quoi. Mais sinon, il viendra plus. Hein. Je suis pas du tout inspiré en fait, j'ai tellement faim. Après, il faudrait faire un truc. Attends, j'avais trouvé une suite, une alternative, quoi. Ouais, faudrait faire un. J'avais trouvé une alternative, tu sais. Ah non, même pas, encore mieux. Comme ça, tu vois. Une variante avec le ré septième, tu vois, mais et puis le si mineur, ça rentre dedans. Le si mineur il est facile parce que c'est un la quoi, mais un peu plus avec un barré derrière. C'est un la mineur avec un barré derrière, un si mineur, tu vois. Ça va bien ensemble avec ça. Il manque une note, faudrait l'autre, je sais plus ce que c'était, j'en avais trouvé une, mais. Quoique c'est pas évident à faire, hein. Si mineur. Ah, j'ai trouvé, je crois. Non, c'était pas ça non. Presque. Tu vois, il y a un. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que là, je fais le si mineur do. Ah non, si mineur do sol ré. Voilà, et faire une fois sur deux, le faire autrement. Alors après, ça serait mi mineur ou alors peut-être. après. Merde. Ouais, c'est bon ce que j'ai trouvé. C'est bon ce que j'ai trouvé là. Attends, il faut que je l'écrive. Attends, j'espère qu'il n'y a personne. Il y a 50 millions de personnes là-dedans. Putain, je sais pas jouer moi, j'ai l'air d'un con. Quoique, pas forcément, hein. On me voit pas. Je l'ai pas fait, mais disons, je vois qu'on arrive à faire rentrer un si mineur là-dedans, mais je sais pas, ou alors trouver une autre variante. Mais... Salut tout le monde. Thank you. gaffe, c'est une bande d'extrémistes. Bah, le racisme, une ronde de merde. Ah bah le racisme, sexisme. Pas compris, hein.